avec le capitaine Fenet, c'était fin avril 45. Baptiste était très fatigué, faut dire la guerre c'était usant, 3 ans de combats acharnés. Alors je lui ai dit, prends un Panzer chocolat, ça te fera du bien camarade. Pour nos amis tombés en vain, on va tous mourir à Berlin. Puisqu'il ne reste plus rien, que nous allons tomber demain. Le Sturmgewehr à la main, Adolf Hitler pour seul destin. Un Panzer chocolat, ça te fera du bien camarade. Pour nos amis tombés en vain, on va tous mourir à Berlin. Puisqu'il ne reste plus rien, que nous allons tomber demain. Le Sturmgewehr à la main, Adolf Hitler pour seul destin. On a repris la marche défoncée, les Russes vous allez le payer. Les dents, les bottes en train de claquer, le cœur noir va triompher. Avance sous les bombardements, le chant du diable pour nous rythmer. Rien ne pourra nous arrêter, à Berlin pour y rester. Les immeubles qui s'écroulent, on ne tient même plus à la vie. Et puis le hurlement des femmes, violées toute la nuit. Là où nous passons, les chars brûlent, nous écraserons toute cette vermine. Je suis décoré dans la nuit. Lendemain d'une journée, nous nous retrouvons isolés. Baptiste, sévèrement touché, vient tout juste de s'effondrer. Il me regarde un peu blasé, bah oui, ça devait arriver. Je vide mon chargeur sur un rouge, m'assois près de mon ami qui vient de prendre une balle par un russe qui avait même pas de temps. Oui, je sais, camarades, ça fait mal, et ils sont tellement répugnants. Je tiens sa main fermement, ses larmes coulent lentement. Je sors de ma poche un présent. Prends ce Panzer chocolat, ça te fera du bien camarade. C'est si beau de mourir à Berlin avec tous ses meilleurs copains. Pense à notre Führer qui leur en a bien fait baver. Ce soir ensemble nous irons festoyer avec Odin. Au paradis des Ariens, il y aura des champignons. Putain, tu verras qu'on y sera bien là-haut, terminer les youpins. Un Panzer chocolat, ça te fera du bien camarade. C'est si beau de mourir à Berlin avec tous ses meilleurs copains. D'ailleurs le mien vient de me lâcher, ses yeux se sont même pas fermés. Je prends ses balles et je m'en vais. Je croise un autre camarade crevé près de sa AMG. Toute la rue est occupée par les Russes qui m'ont repéré. Je me jette sur le sol, j'attrape cette mitrailleuse. La bande venait d'être chargée, le canon commence à gronder. Je les ai tous fauchés, mais je commence à pleurer. Un char au fond est arrivé, mais je continue de tirer. Pour tous mes camarades, j'honore le serment de bravoure juré à notre Führer. Je vais mourir à Berlin, je vais mourir à Berlin, je vais crever à Berlin, je vais enfin mourir, putain, on va tous mourir à Berlin. Nous sommes tous morts à Berlin, de façon après y'avait plus rien. Des banques, des nègres et des youpins, avortement, pilule, ça craint. Notre race assassinée, un génocide organisé. Mais les blancs lobotomisés, oui, continueront de voter. Je les ai tous fauchés, je continue de pleurer. Partout mon sang éparpillé, le triomphe de la volonté. Une dernière décoration, médaille sanglante sur le sol. Ultime honneur de mon serment, le ciel m'accueillant héros. Je suis tombé à Berlin où j'ai buté 20 Russes au moins. Oh non, je ne regrette rien. Adieu, Europe de demain.